طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال أو عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضر عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا. دونك on est toujours dans les متابعات du hadith de la tribu de Abd al-Qais qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont informé qu'il venait d'une contrée lointaine et qu'entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait la tribu de Mudar et qu'il ne pouvait pas atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est pendant les mois haram. Ensuite le prophète leur a ordonné quatre choses et leur a interdit quatre choses. Naam. نحن ما زلنا في متابعة هذا الحديث. طيب قال فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضار ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدب والحنتم والمزفات والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ نعم أصلا أنا سأقرأ بعد ذلك من كتاب أخينا ريان بالفرنسية، تمام؟ الآن أقرأ بالعربية وسأقرأ من الكتاب لأن في بعض العبارات صعبة للترجمة. نعم. طيب قال بلى جذع تقنع. طيب تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة. قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم، وفي رواية أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم. فكل هذه يعني زوائد على ما أخذنا في الأحاديث السابقة. Donc à partir de ce niveau-là, c'est des rajouts sur les autres hadiths qu'on a pris. Et quand je vais traduire, vous allez comprendre mieux le sens de ce hadith. طيب. قلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، نعم كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم. قال فقال نبي الله وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلها الجرذان نعم وإن أكلها الجرذان وإن أكلها الجرذان قال وقال نبي الله للأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة نعم طيب donc selon cette traduction de la mise en notion Al-Hadith Naam, ils disent des gens de la tribu de Abd al-Qais vinrent dire au messager d'Allah Azza wa Jal sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ô prophète d'Allah, nous appartenons à la tribu de Rabi'a. Entre toi et nous se tiennent les infidèles de Mudar. Et nous ne pouvons venir à toi que durant les mois sacrés. Donne-nous donc un commandement que nous prescrirons à ceux que nous avons laissés derrière nous et dont la pratique nous fera entrer au paradis. Naam. Ila huna qad taqaddama dhikra. Jusque-là, on a déjà vu cette partie du hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je vous ordonne quatre choses. » Et vous interdit quatre choses. من يذكر الأربع أشياء؟ يا الإيمان بالله والزكاة وماذا؟ ها؟ الصلاة ثلاث والسانكيم جبتة نعم وفي هذا الحديث إشكال لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم Je vous ordonne quatre choses. Et dans ce même hadith, il en a évoqué cinq. Il a rajouté le somme de Ramadan. Naam. Ala kulli hal. Tayyib. Je vous ordonne quatre choses et vous interdis quatre choses. Adorez Allah et ne lui associez rien. Ça, c'est le premier. Accomplissez la prière. Deuxième. Acquittez-vous de la zakat. Troisième. Jeûnez le Ramadan. Quatrième. Et verser le cinquième du butin. Donc ça fait cinq. Je vous interdis quatre choses. La courge, la jarre vernie, le vase enduit de résine et le creux de palmier. Ils demandèrent au prophète d'Allah, « Que sais-tu du creux de palmier ?» Yani, هذا, يعني, ما نقول استهزاء, لكن يعتبر سوء أدب. النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur dit, je vous interdis de boire dans tel et tel récipient. Et cette personne, de cette tribu, il répond, il dit, mais qu'est-ce que tu connais, toi, de ce récipient ? يعني, ما علمك بهذا الشيء ? عرفتم ? Il y a comme un mauvais comportement qu'ils ont eu avec le prophète صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هذا السوء أدب ما هو بعمد بالعمد c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu إنما الأعراب كما وصفوا أن يعني أنهم شديدون يعني في الكلام وغليظون في الكلام حتى واحد مثلا كما مر بنا مسك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على الناقة فأخذ ب حطام بماذا؟ il a pris par les rênes de la chamelle et il a bloqué la chamelle du prophète عليه الصلاة والسلام. Et ça c'est des adabs qu'ils avaient mais c'est pas forcément يعني ils l'ont pas fait c'est-à-dire volontairement. C'est des comportements qu'ils avaient qu'ils étaient un peu durs qui faisaient preuve de rudesse. لكن يعني c'était pas volontaire. لكن كما أقول لكم يعني هذا يعتبر سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نعم donc ils demandèrent au prophète d'Allah que sais-tu du creux de palmier وهذه الفائدة ستجدها يعني كما سيذكرها شيخ العثيمين أنه أن هذا يعتبر سوء أدب Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: en effet, c'est un tronc que vous creusez et dans lequel vous jetez des qati'a. Saïd dit: ou des dattes. C'est un tronc que vous creusez ou dans lequel vous jetez des qati'a. Et ils disent en annotation: c'est des dattes à petits grains. Naam, des dattes à petits grains ou petites graines. Naam. طيب وقال سعيد ou des dattes. Vous y versez ensuite de l'eau et quand son ébullition s'apaise, vous le buvez. Si bien que l'un de vous ou l'un d'eux frappe son cousin de son sabre. طيب. Ensuite il dit Abu Sa'id al-Khudri dit: il y avait parmi eux un homme qui portait justement une blessure de ce genre. Celui-ci avoua: je l'ai caché au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par honte, et demandé: dans quel récipient pouvons-nous donc boire au messager d'Allah? Il répliqua: dans les gourdes de cuir tanné dont les goulots sont attachés. Non. Dont les goulots sont attachés. Ça veut dire quoi, goulot? Goulot, c'est le haut de la bouteille. Dont les goulots sont attachés. Ils dirent: ô messager d'Allah, notre terre abonde de rats et les gourdes de cuir ne résistent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même si elles sont rongées par les rats. Abu Sa'id continue: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Al-Ashad Ibn Qais: certes, tu possèdes deux qualités qu'Allah aime, la sagacité et la pondération. La pondération. Naam. Fahada huwa al-hadith. Naam. Allah yibarakik ya Rayyan. Tayyib. ومع الأسف الشديد الشيخ العثيمين ما شرحه يعني بشرح وافر. Donc Cheikh Al Uthaymeen, c'est avec un grand regret qu'on constate qu'il n'a pas expliqué ce hadith يعني d'une manière plus vaste. وهذا يدل على أنه هذا الكتاب أخرج بعد موته وبتفريغ الأشرطة. يعني ce genre de livre, صحيح مسلم ou صحيح البخاري, c'est pas des livres que Cheikh Al-Uthaymeen il a écrit avec sa main. C'est des livres que en fait il donnait en cours dans la mosquée ou à ses élèves, et que après un de ses élèves ou quelqu'un parmi ses proches a يعني recopié tout ce qu'il disait dans la cassette, et après ils ont sorti cela en livre. وإلا فالمعروف من شيخ العثيمين أنه إذا كتب شيئا يتوسع يأتيك بفوائد في اللغة, فوائد في البلاغة, فوائد في أصول الفقه, فوائد في الحديث, فوائد في التوحيد, فوائد في العقيدة, إلى آخر ما يذكر عنه. Donc ce qui est connu de Cheikh Al-Uthaymeen, c'est que lorsqu'il écrit un livre de sa main, يعني il approfondit en général. Il approfondit. لكم كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي يعتبر أحسن الشرح بعد فتح المجيد. كتاب التوحيد لشرح شيخ العثيمين كي c'est-à-dire qui est l'un des meilleurs شرح, la meilleure explication du kitab de Mohamed ibn Abdul Wahhab, كتاب التوحيد, après فتح المجيد. Après le charh Fath al-Majid. Naam, dans ce livre-là, Qawl al-Mufid, vous allez constater que Cheikh Al-Uthaymeen, il a vraiment approfondi la moindre mas'ala, il l'a approfondi. Lakin huna, يعني, hiya ibara an dars ma'a rubama al-dakatira, rubama nas kibar fil ilm wakada, fa ma tawassa'. Naam. طيب. مما ذكر قال وهذا التجديد من الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ ولله الحمد فإنه صرح بأنه نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية ثم قال انتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا لا غير أن لا تشربوا مسكرا. Donc là c'est une faïda que Cheikh Al-Uthaymeen il rapporte, c'est-à-dire que cette interdiction de boire dans ces récipients, elle a été abrogée. Ça c'était قبل avant que vienne l'abrogation. Donc le hadith il est venu, ce deuxième hadith qui est rapporté qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Naam. Disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de boire dans ces récipients, mais maintenant vous pouvez faire votre mélange, c'est-à-dire le mélange entre les fruits que vous aimez et l'eau, dans ces récipients. Juste ne buvez pas de boissons alcoolisées. » Naam. Donc l'interdiction d'utiliser ces récipients a été abrogée. نعم طيب ثم بعدين ذكر إشكالا il a évoqué le إشكال là sur le fait que le prophète Hassan il a dit je vous interdis quatre choses et dans le hadith on voit qu'il y en a cinq, donc il dit que ça peut sous-entendre que c'est un des transmetteurs du hadith qui s'est trompé en rajoutant le jeûne de Ramadan. نعم المهم حتى هو ما اقتنع بالاقوال في ذلك même Cheikh Al-Uthaymeen il n'a pas vraiment été convaincu par les avis répondant à cette ishkal. اذا on passe. طيب اهم شيء نعرف ان يعني من الايمان ماذا أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث الذي ذكرنا في حديث جبريل وكذلك من الإيمان من أمور الإيمان يعني الخمس من الغنائم وكذلك ما تقدم ذكره. نعم هذا أهم شيء. ثم قال الإمام مسلم قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وغير أن فيه وتقذفون فيه من القطيعة أو التمر والماء. Donc là, l'imam Muslim il est venu avec cette mutaba'a juste pour affirmer le rajout. C'est-à-dire le rajout où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et vous jetez, c'est-à-dire dans ce tronc que vous prenez comme récipient, le tronc de palmier, vous y jetez des dattes ou des dattes comme ils ont traduit dans la version de Akhuna Rayan, des dattes à petites graines ou des dattes ou de l'eau. Naam. طيب. ولم يقول قال سعيد أو قال نعم ولم يقول قال سعيد أو قال من التمر. المهم هي متابعة للحديث التي تقدم ذكره. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أتوا نبي الله قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك جعلنا الله فداك وماذا يصلح لنا من الأشربة. طيب دونك c'est toujours une autre version du hadith où Abu Sa'id dit que lorsque les visiteurs, yani la tribu d'Abd al-Qais, s'est présentée au prophète, ils ont demandé au prophète d'Allah nous donnerons pour toi en rançon. Quelle boisson nous est-il permise? Quelles sont les boissons qui nous sont permises? Naam. Ou les récipients qui nous sont permis. فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de boire dans النقير. قَالُوا يَا نَبِيَ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرِ. Et donc quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, ils ont dit: oh, prophète d'Allah, est-ce que tu sais c'est quoi le naqir? طيب. قال نعم الجذع. Le prophète sallam dit نعم, c'est un tronc ينقر وسطه, يعني qui est percé au milieu. Voilà, في يعني نعم. Donc il a répondu à leur question lorsqu'ils ont demandé est-ce que tu connais le naqir. Il a dit oui, c'est un tronc de palmier qui est percé au milieu. Wala fi dubba wala fi hantama wa alaykum bil muka. Naam. Donc Nadir ma taqaddam. Donc le prophète sallam il leur a répété que il leur a interdit de boire dans ces récipients. Naam. Lakin كما ذكر الشيخ العثيمين هذا c'était في بداية الأمر وإلا بعد ذلك جاء ما ينسخ هذا الحكم. نعم. دوك ماذا دوك le fait de boire dans les récipients qui sont طيب la courge, ouais, et la jarre vernie, le vase enduit de résine et le creux de palmier. Tout cela, c'était des interdits. ثم بعد ذلك جاء النسخ. Donc, après est venue l'abrogation de ce jugement. طيب. Voilà, on a fait le cours. وإنشالله غدا ندخل في حديث آخر. Thank you.